dit que la planète est à l'agonie. On nous dit que la violence conjugale augmente de 20 % le jour de la Saint-Valentin. On me dit que ça irait mieux si j'utilisais des pailles réutilisables. On nous dit qu'il y a un génocide en ce moment au Congo et on nous dit que c'est Geneviève Jodoin qui a gagné la voix. On nous dit que la bulle économique, ça regonfle. On nous dit que les milléniaux sont capricieux. On nous dit, exprimez-vous. On nous dit, vous avez dépassé le nombre de caractères autorisés. Tout le monde parle en même temps. Tout le monde parle en même temps. Tout le monde parle en même temps. Tout le monde parle en même temps. Tout le monde parle en même temps. Premier acte, en collaboration avec la Caisse des Jardins de Québec et la compagnie La Nuit, le bruit, présente Contre la suite du monde. Une pièce de théâtre interdisciplinaire, à mi-chemin entre indignation et autodérision, avec Philippe Racine, Peter Farbridge et Eve Presseau, du 11 au 15 février 2020. Pour information ou l'achat de billets, premieracte.ca. Bonsoir, bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire de rock progressif. Ce soir, plein de nouveautés. Et parlant de nouveautés, ben, c'est plus que des nouveautés, c'est des exclusivités. Ce soir, on commence l'émission avec des disques qui vont paraître à la fin mars et à la fin février. On commence avec Quelque dice il tuono, qui nous visitera. Bruno rigole. Et il peut bien rigoler. Il a le droit. Hein? Après tout, c'est une émission libre. Oui, donc, je vous disais, le Quelque dice il tuono. Bruno, je pense qu'il est jaloux un peu. C'est, je pense que c'est ça l'idée. Qui va nous visiter le 17 mai au Centre d'art La Chapelle dans le cadre du Festival Terra Incognita. On a une première pièce à vous faire entendre de leur premier album. Pour ceux qui ne connaissent pas tout à fait, ben, c'est le nouveau groupe de la guitariste ou l'ex-guitariste de Unreal City. Et on y retrouve notamment le claviériste. Attends un peu, toi là. Là. Oui. Non, regarde, on va l'écouter pendant en parlant. Je pense qu'il y a Francesca qui veut vous parler. Et après ça, ben, on écoute en grande première mondiale. Ça fait drôle de dire ça, mais le disque sort fin mars. Donc, une première pièce de ce premier album. Et on écoute Francesca qui nous présente cet album. Il va Velo dei Riflessi is a concept album that basically deals with the undercover in schizophrenia. So there is the main character who finds himself in a very big hole surrounded by mirrors, and in each mirror he is able to see himself, but with a pathological trait of personality that he didn't know he had, or he had, but he didn't really accept to have. And this song, which is called Figlio dell'Uomo, Son of a Man, is the second song of the album and is very important for the development of the concept album, of the story, because it deals with paranoia and the paranoid trait of personality that the character actually has. And at the end of the song there is a phrase in Italian that is tutti gli altri me, which means all the other me's. And it's very important because it's to signify the fact that the main character is slowly starting to realize that inside his head he's not alone, but there are a lot of other people that all together compose who he really is. So those are the first signs of schizophrenia. And the album is called Il Velo dei Riflessi, and it will be released on the 20th of March. And we are very proud and very happy to have the chance to present the album at the next edition of Terra Incognita in Quebec City next 17th May. So see you all there. Bye bye. We'll be right back. C'était en grande première un premier extrait de l'album de Quelque Dice il Tuono, le groupe de Francesca Zanetta, anciennement avec Unreal City, et le groupe viendra nous présenter l'album le 17 mai prochain dans le cadre du festival Terra Incognita. Et cette même journée-là, ben, il y aura aussi la Mascara di Cera. Évidemment, ça c'est un incontournable parce que je pense pas que le groupe va faire de multiples tournées. C'est un petit miracle et je veux pas avoir l'air trop vaniteux, mais je pense que j'ai joué un petit rôle dans ce retour. un petit tordage de bras peut-être, mais enfin. Et cette même journée, il y aura aussi Ed with Wings et His Project qui ouvrira d'ailleurs les trois journées du festival avec une prestation acoustique et... Ben, qui dit acoustique, dit peut-être intimiste aussi en même temps. Donc, le vendredi, samedi et dimanche, on verra His Project à l'ouverture de chaque journée. Et ben, pour le dimanche, c'est pas mal ça. On aura His Project, Ed with Wings, Quelque Dice il Tuono et la Mascara di Cera. Le vendredi, on aura His Project, 35 Tapes, un groupe norvégien que j'adore, et Anecdoton qui consacrera la soirée, ben, ce spectacle à son second album Nucleus, interprété intégralement parce que c'est le 25e anniversaire. Et pour compléter la soirée, ben, on aura droit à Vemod. Donc, écoutez, on peut pas demander beaucoup mieux. Et le samedi, ben, on aura His Project, Sintonia Distorta. Et d'ailleurs, on va avoir deux extraits de leur prochain album qui sort fin février. C'est ce qui suit d'ailleurs. On va laisser le chanteur Simonet vous présenter l'album et on vous revient. Hello, Michel, and all friends on air. Here is Simone from Sintonia Distorta. During the radio show, you'll listen to two songs taken from our next album called A Piedi Nudi sull'Arcobaleno, available from next 29th February. Songs are A Piedi Nudi sull'Arcobaleno, the title track, which unfortunately talks about a tragic story happened in our town some years ago and violence against women too. And La Rivincita di Orfeo. In this track we use as a metaphor the mythological history of Orfeo and Euridice to talking about a personal problem and how to win demons and ghosts inside us. Have a good listening, hope you like it, and see you on 16th May in Quebec City at Terra Incognita Festival. Big hugs! Si fa indaco per l'eternità, prendimi per adesso, qui vicino. Premier extrait de l'album, du second album de Sintonia Distorta, qui formation italienne qui sera avec nous le 17 mai, le 16 mai, excusez, eux autres, c'est le 16, avec Professeur Tip Top et Anecdoton au Centre d'art de la Chapelle dans le cadre du festival Terra Incognita. 16e édition en passant, ça a l'air de rien, 16 ans quand même. C'est un album qui sort fin février, je pense que c'est le 29. Je vais essayer de dire le titre d'une façon qui n'est pas trop choquante pour les oreilles italiennes. Piedi Nudi sul Arco Baleno. C'est leur second album et réalisé par nul autre que Fabio Zuventi. Je pense qu'ils ont bien aimé l'expérience. Et on va vous en présenter un second extrait tout de suite après les pauses publicitaires. C-K-R-L. Je puis être musique. Bruit, silence. .qc.ca. Communication. Culture. Vous êtes artiste et vous cherchez un nouveau défi? CKRL vous invite au concours Talent en scène à la Korrigane. Comment peut-on orienter ses forces? Musique, chant, poésie, slam, humour.

Sarà il nostro Dio.

Higher than a bright lights turn white lights and white lights and dark skies are shiny, so shiny. The bright lights are blinding, we're falling. The mountains are now plains, treetops and towers, tables and chairs, we're falling. We are made of sun rays, raindrops and snowflakes. Prevailing figures. et je tombe folle amoureuse de lui. C-K-R-L. Ça peut faire mal, ouais. Ouais, QC. Écoute, on n'en est pas là. Point C-A. Maman est cognate. Tu tout Le 20 février prochain, rendez-vous au Grand Théâtre à l'occasion du spectacle Nikamou Mamuitoun, chanson rassembleuse. Soyez témoins de grandes rencontres autour de la créativité entre autochtones et allochtones lors de ce magnifique projet interculturel qui célèbre la chanson de manière tout inclusive. Avec entre autres Mathieu, Scott Pienne-Picard et Joël Saint-Pierre, voyez Nikamou Mamuitoun le 20 février au Grand Théâtre. Terra incognita. Première ovation. Bruno s'excuse. Terra incognita. On est avec vous depuis une heure et on a encore une bonne heure de musique. Installez-vous encore confortablement. C'est le temps d'aller chercher un petit breuvage, peut-être. Bruno fait signe que oui. On va regarder. Bruno, c'est correct. Il y a le dos large, là, mais pas trop ce soir. Je vais être raisonnable. Oui, on jette un petit coup d'œil sur la feuille de route et ce qui a bouclé la deuxième demi-heure, c'était une formation américaine qui a pour nom Mile Marker Zero de leur album The Fifth Row. Il y avait tout juste avant du Danemark Christian Arting de son tout nouvel album The Fumes, la pièce Falling. C'est un Danois qui en est à son troisième disque, mine de rien, personne ne le connaît, je pense, ici vraiment, là, mais pour ceux qui aiment le folk, un petit peu comme avec une petite touche électro, enfin, ces trois albums sont vraiment excellents. Là, Christian Arting. Et on avait avant Annick Dutton, V-Mod. Et peut-être qu'il y en a qui vont me dire, ouais, je la connais pas, celle-là, sur mon V-Mod, il n'y a pas ça. Et j'ai pas pu m'empêcher d'aller chercher la pièce bonus du pressage japonais, parce que c'est un petit bijou, ben, vous avez pu le constater. Et inutile de vous dire que j'ai demandé au groupe de l'interpréter le 15 mai, lorsqu'ils vont faire le survol, lorsqu'ils vont nous proposer Nucleus entier et des pièces de V-Mod. Moi, j'ai demandé, demande spéciale, je vais avoir Sad Rain. Donc, j'espère que le 15, on va avoir le petit bonus avec tout le reste au Centre d'art de la Chapelle le 15 mai. Et puis, ben, on avait donné le coup d'envoi avec Sintonia Distorta, qui, eux, ben, ils vont être le 16 mai, toujours au Centre d'art, dans le cadre de la 16e édition du Festival Terra. Et c'est deuxième extrait d'un album qui devrait paraître à la fin du mois, A Piedi Nudi sul Arco Baleno. On va aller faire je parlais des États-Unis tantôt, on va aller faire un petit tour du côté des États-Unis avec un monsieur que je viens de découvrir, qui s'appelle Cody Carpenter, qui vient de sortir un excellent disque là, de prog avec un teinté jazz. Et c'est le fils de John Carpenter. Je pense que pour certains, ça va sonner une cloche, là, le réalisateur de films d'horreur américain. Et puis, ben, les deux font de la musique ensemble. Pas sur ce disque-là, mais ils ont déjà collaboré ensemble. Ça vient de sortir, ça s'appelle Control, un excellent album. On écoute un extrait, peut-être un deuxième ce soir. Donc, Cody Carpenter. We'll be right back. parlare di simili eventi. Tacerli sarebbe altrettanto, sia il fato clemente. Dapprima fu l'odio tra i numi che in due li divise. Ancora una volta in contesa è il trono del tempo. Sul soglio eterno sedeva Crono il possente, e l'ultimo nato suo volle il trono per sé. Invano pensai di dissuaderli a muovere guerra, a stento avevano idea di quel che sarà. Li senti i tuoni di radar i nemmi, le polveri rimodellare il cielo, le cento mani far piovere pietra, è il crollo dei signori del mondo. Già temi mia madre e la terra che ha molti nomi, ma forma una sola predissero future sorti. Giammai la forza avrebbe promesso il trionfo, ma astuzia e non di certo gagliardia. Li senti i tuoni di radare i nemmi, le folgori rimodellare il cielo, le cento mani par piovere pietra, è il crollo dei signori del mondo. E tutti udirono uniti delle mie parole, nessun titano però le degnò di riguardo. Il meglio mi parve prestare soccorso a Zeus, a Olimpo non orte consegnai la vittoria. Li senti i tuoni di radare i nemmi, le folgori rimodellare il cielo, trattati da dei, per loro nettare ambrosia, forgeranno le armi nuove per la vittoria. I dardi di Zeus, le tali frecce del cielo, scagliò contro i fieri titani che caddero sotto il suolo. Seduto appena sul soglio paterno, subito Zeus si diede a compartire uffici. Ma nessuno ebbe a pensar dei mortali. Il nuovo ordine non li voleva in sé, anzi, distrugger tutta quanta volea la stirpe per seminarne una nuova. Ma la pietà che provai per loro salvandoli non fu la stessa per Zeus, al quale offro tal miseranda vista. Hello, I'm Dario of Giardino Nidico, and you're presently listening Terra Incognita, the progressive reference of Quebec City. Thank you. CKRL. Le groupe légendaire Green Day est de retour avec leur très anticipé nouvel album Father of All, inclus Fire, Ready, Aim. Et la chanson-titre Father of All. Green Day, le nouvel album Father of All, disponible partout. Le Bal du Lézard, un incontournable depuis plus de 30 ans. Une ambiance sympathique, une clientèle éclectique et une programmation culturelle variée. Samedi le 15 février, soirée punk rock avec In My Memory, The Black Jackets et Muskeye, 5$ à la porte. Mardi le 18, de France, le groupe Celtic, 00 Celt, entrée gratuite. Jeudi le 20, soirée jazz avec le trio Manouche, Caribou, entrée gratuite. Venez découvrir notre sélection de microbrasseries locales et québécoises à prix d'amis en plus. Surveillez notre page Facebook pour les événements à venir. CKRL vous propose une série d'émissions sur des sujets variés, animés par des spécialistes et des passionnés. Les Enfants du Paradis est un magazine entièrement consacré au théâtre et à la danse. Interviews, critiques, panels, tables rondes et chroniques se relaient pour faire de cette émission une véritable fête consacrée au théâtre et à la danse. Les Enfants du Paradis, le lundi, 17h30. Et de retour. écoutez, là, je vais... Tasser un peu là, l'écran d'ordinateur pour avoir une meilleure vue. Donc, on a conclu avec quelqu'un qui a donné le coup d'envoi aussi du bloc, Cody Carpenter. Je vous en parlais tantôt, le fils du réalisateur de films d'horreur John Carpenter, qui est aussi musicien d'ailleurs. L'album s'appelle Control, ça vient de sortir. Avant, on avait D'Italie, Il Giardino Onirico, du plus récent et excellent album Apophenia. Un autre, ça nous vient aussi d'Italie, Prometeo. Dune, là, je vais essayer de... C'est son, leur premier disque, et ils n'ont pas choisi le titre le plus court. Je vais... D'un fuoco rapito di Giovanni Uomo d'un amore insensato. C'est quasiment le nom d'un groupe italien, ça, là. C'est un petit peu plus long. Et bien, comme je vous disais aussi, ben, au début, Cody Carpenter, encore de l'album Control, la pièce Solidarity. On va aller faire un petit tour du côté de la Suède, cette fois-ci, avec un groupe qui, ma foi, devrait être plus connu, et j'ai nommé Heidenlands, des musiciens qui étaient dans un groupe dans les années début 2000, donc il y avait pour nom Violent Silence, et je pense que le groupe s'est séparé genre 2005-2006, et certains membres ont formé Heidenlands. Ils ont 3 albums maintenant, et on va écouter un extrait de leur premier, In Our Nature. Le temps de vous rappeler que, évidemment, vous écoutez Terrain Cognita, c'est toujours sur CKRL 89.1. I'm